Dossier 1. Livre, page 19. Question D. Dans notre collège, on ouvre notre esprit et notre savoir s'agrandit. On a plein d'expériences pendant les cours de sciences. En cours de français, une nouvelle langue s'est renforcée. À la récréation, on se réjouit. On saute, on joue et on sourit. Et grâce à mes amis, je suis toujours ravie.